Dans une cuisine, sur une nappe à fleurs, une personne de plus écrit sa vie en vers pompeux pour remplir à rabord le container à poèmes plates qu'on chipera bientôt pour une tombe en acier rouillé, en mémoire courte. Je vais écrire pour me rappeler parce que mes souvenirs rushent depuis que je m'ennuie. Je vais faire des beats pour entretenir mon insomnie. Je vais essayer de publier pour faire la pièce, de vendre mes chansons même si c'est de la crosse, pour ne plus placer les transformeurs au Toys R Us.